Section 13 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 6e. Section 13. Le départ des hirondelles par Alfred des Essarts. 1. À leur vieil usage fidèle, dès l'automne, les hirondelles s'en vont au loin à tire-d'aile. Est-ce un avis mystérieux qui leur fait chercher d'autres cieux, des horizons plus radieux? L'instinct mutuel les rassemble, elles partent toutes ensemble. Si l'une restait, il leur semble que sa perte doit advenir. Mais ce qui peut les soutenir, toutes espèrent revenir. Par nulle crainte, leur pensée intrépide n'est oppressée. Haut le vol, la voie est tracée. Les maisons inclinent leurs toits, les chênes s'abaissent au bois. Les distances n'ont plus de loi. Des rivières, l'assin se joue. Des marais, ils bravent la boue. Contre la pluie, ils se secouent. À peine aux pointes du rocher, tant ils aiment à se dépêcher, s'arrête-t-il pour se percher. De nouveau, bien vite, il s'élance vers le zénith plein de silence, et dans l'air même il se balance. Ô charmant petit voyageur, dans l'azur alerte plongeur, le soir vous prête ses rougeurs. L'ombre vous aime et vous écoute, votre exode prévu sans doute, jamais ne se trompe de route. La mer et le but n'ont pareil, que vous assigne le soleil, ce noble guide au front vermeil. Et vous atteignez les contrées où, sur les ondes tempérées, scintillent des lueurs nacrées, où, pour vous, d'innombrables fleurs aux parfums mêlent leurs couleurs en des écrins ensorceleurs. Là, partout de douces retraites, partout des brises, des conquêtes, le printemps vous promet ses fêtes. Mais à ce jour plein d'appât, de trésors semés sous vos pas, émigrés, vous ne tenez pas. Une voix secrète vous crie, « Oh, que meilleure est la patrie! Là-bas est la terre chérie, là-bas la mousse de vos nids. » Et comme autrefois réunis, vous franchissez les infinis. Et toujours au passé fidèle, vers l'ancien séjour hirondelle, vous reviendrez à tire-d'aile. 2. Mais combien d'hommes égarés par la soif de l'or altéré au même sort se sont livrés. Au gain douteux, leur âme aspire, et risquant leur sort pour un pire, vers l'inconnu tend et soupire. Qu'importe à leurs yeux fermés ces lieux qu'ils ont jadis aimés, et les aspects accoutumés, quand nul regret ne les arrête, ils vont sans retourner la tête, comme on voudrait fuir la tempête. Par leur avarice envahie, pour les calculs seuls obéis, ils ont oublié le pays. Pauvres petites hirondelles, à votre nid toujours fidèle, vous revenez à tire-d'aile. Ces émigrants là-bas, là-bas, comme vous, ont porté leurs pas, mais ceux-là ne reviendront pas. Fin de la section 13, lue par Sandra, à Montréal.